sans personne pour m'aider. J'avais peur de sombrer. Je ne pensais plus aimer. Mon cœur dérivé hors de ta portée dans ma vie. Tu es rentré en un regard. Mes peurs se sont envolées. Je vois mon avenir dans tes bras, je veux vieillir. T'es la réponse que j'espère à mes plans.